Chapitre 4. Monsieur d'Ambreuse, quand Des Lauriers se présenta chez lui, songeait à raviver sa grande affaire de houille. Mais cette fusion de toutes les compagnies en une seule était mal vue. On criait au monopole, comme s'il ne fallait pas, pour de telles exploitations, d'immenses capitaux. Des Lauriers, qui venait de lire exprès l'ouvrage de Gobet et les articles de Monsieur Chappe dans le journal des mines, connaissait la question parfaitement. Il démontra que la loi de 1810 établissait au profit du concessionnaire un droit impermutable. D'ailleurs, on pouvait donner à l'entreprise une couleur démocratique. Empêcher les réunions houillères était un attentat contre le principe même d'association. M. d'Ambreuse lui confia des notes pour rédiger un mémoire. Quant à la manière dont il payerait son travail, il fit des promesses d'autant meilleures qu'elles n'étaient pas précises. Des Lauriers s'en revint chez Frédéric et lui rapporta la conférence. De plus, il avait vu Madame d'Ambreuse au bas de l'escalier comme il sortait. « Je t'en fais mes compliments, sa prolote. » Puis ils causèrent de l'élection. Il y avait quelque chose à inventer. 3 jours après, Des Lauriers reparut avec une feuille d'écriture destinée aux journaux et qui était une lettre familière où M. d'Ambreuse approuvait la candidature de leur ami. Soutenue par un conservateur et prônée par un rouge, elle devait réussir. Comment le capitaliste signait-il une pareille élucubration? L'avocat, sans le moindre embarras, de lui-même, avait aidé la montrer à Madame d'Ambreuse, qui, la trouvant fort bien, s'était chargée du reste. Cette démarche surprit Frédéric. Il l'approuva cependant. Puis, comme Des Lauriers s'aboucherait avec M. Rock, il lui conta sa position vis-à-vis de Louise. « Dis-leur tout ce que tu voudras, que mes affaires sont troubles. » « Je les arrangerai. Elle est assez jeune pour attendre. » Des Lauriers partit, et Frédéric se considéra comme un homme très fort. Il éprouvait d'ailleurs un assouvissement, une satisfaction profonde. Sa joie de posséder une femme riche n'était gâtée par aucun contraste. Le sentiment s'harmonisait avec le milieu. Sa vie, maintenant, avait des douceurs partout. La plus exquise, peut-être, était de contempler Madame d'Ambreuse, entre plusieurs personnes dans son salon. L'inconvenance de ses manières le faisait rêver à d'autres attitudes. Pendant qu'elle causait d'un ton froid, il se rappelait ses mots d'amour balbutiés. Tous les respects pour sa vertu le délectaient comme un hommage retournant vers lui. Et il avait parfois des envies de s'écrier « Mais je la connais mieux que vous, elle est à moi !» Leur liaison ne tarda pas à être une chose convenue, acceptée. Madame d'Ambreuse, durant tout l'hiver, traîna Frédéric dans le monde. Il arrivait presque toujours avant elle, et il la voyait entrer, les bras nus, l'éventail à la main, des perles dans les cheveux. Elle s'arrêtait sur le seuil, le linteau de la porte l'entourait comme un cadre, elle avait un léger mouvement d'indécision, en clignant les paupières, pour découvrir s'il était là. Elle le ramenait dans sa voiture. La pluie fouettait les vasistas, les passants, tels que des ombres, s'agitaient dans la boue, et serrés l'un contre l'autre, ils apercevaient tout cela confusément, avec un dédain tranquille. Sous des prétextes différents, il restait encore une bonne heure dans sa chambre. C'était par ennui, surtout, que Madame d'Ambreuse avait cédé. Mais cette dernière épreuve ne devait pas être perdue. Elle voulait un grand amour, et elle se mit à le combler d'adulation et de caresses. Elle lui envoyait des fleurs. Elle lui fit une chaise en tapisserie. Elle lui donna un porte-cigare, une écritoire, 1000 petites choses d'un usage quotidien, pour qu'il n'eût pas une action indépendante de son souvenir. Ses prévenances le charmèrent d'abord, et bientôt lui parurent toutes simples. Elle montait dans un fiacre, le renvoyait à l'entrée d'un passage, sortait par l'autre bout, puis, se glissant le long des murs, avec un double voile sur le visage, elle atteignait la rue où Frédéric en sentinelle lui prenait le bras, vivement, pour la conduire dans sa maison. Ses deux domestiques se promenaient, le portier faisait des courses. Elle jetait les yeux tout alentour, rien à craindre, et elle poussait comme un soupir d'exilé qui revoit sa patrie. La chance les enhardit. Leurs rendez-vous se multiplièrent. Un soir même, elle se présenta tout à coup en grande toilette de bal. Ses surprises pouvaient être dangereuses. Il la blâma de son imprudence. Elle lui déplut du reste. Son corsage ouvert découvrait trop sa poitrine maigre. Il reconnut alors ce qu'il s'était caché, la désillusion de ses sens. Il n'en feignait pas moins de grandes ardeurs, mais pour les ressentir, il lui fallait évoquer l'image de Rosanette ou de Madame Arnoux. Cette atrophie sentimentale lui laissait la tête entièrement libre, et plus que jamais il ambitionnait une haute position dans le monde. Puisqu'il l'avait à marche-pied pareil, c'était bien le moins qu'il s'en servît. Vers le milieu de janvier, un matin, Sénécal entra dans son cabinet et à son exclamation d'étonnement, répondit qu'il était secrétaire de Deslauriers. Il lui apportait même une lettre. Elle contenait de bonnes nouvelles et le blâmait cependant de sa négligence. Il fallait venir là-bas. Le futur député dit qu'il se mettrait en route le surlendemain. Sénécal n'exprima pas d'opinion sur cette candidature. Il parla de sa personne et des affaires du pays. Si lamentable qu'elles fussent, elles le réjouissaient, car on marchait au communisme. D'abord, l'administration y menait d'elle-même, puisque chaque jour il y avait plus de choses régies par le gouvernement. Quant à la propriété, la Constitution de 1948, malgré ses faiblesses, ne l'avait pas ménagée. Au nom de l'utilité publique, l'État pouvait prendre désormais ce qu'il jugeait lui convenir. Sénécal se déclara pour l'autorité, et Frédéric aperçut dans ses discours l'exagération de ses propres paroles à Deslauriers. Le républicain tena même contre l'insuffisance des masses. Robespierre, en défendant le droit du petit nombre, amena Louis XVI devant la Convention nationale et sauva le peuple. La fin des choses le rend légitime. La dictature est quelquefois indispensable. Vive la tyrannie, pourvu que le tyran fasse le bien. Leur discussion dura longtemps, et comme il s'en allait, Sénécal avoua, c'était le but de sa visite peut-être, que Deslauriers s'impatientait beaucoup du silence de M. d'Ambreuse. Mais M. d'Ambreuse était malade. Frédéric le voyait tous les jours, sa qualité d'intime le faisant admettre près de lui. La révocation du général Changarnier avait ému extrêmement le capitaliste. Le soir même, il fut pris d'une grande chaleur dans la poitrine avec une oppression à ne pouvoir se tenir couché. Des sangsues amenèrent un soulagement immédiat. La toux sèche disparut, la respiration devint plus calme, et 8 jours après, il dit en avalant un bouillon « Ah, ça va mieux, mais j'ai manqué faire le grand voyage. Pas sans moi ?» s'écria Madame d'Ambreuse, notifiant par ce mot qu'elle n'aurait pu lui survivre. Au lieu de répondre, il étala sur elle et sur son amant un singulier sourire, où il y avait à la fois de la résignation, de l'indulgence, de l'ironie, et même, comme une pointe, un sous-entendu presque gai. Frédéric voulut partir pour Nogent. Madame d'Ambreuse s'y opposa. Il défaisait et refaisait tour à tour ses paquets, selon les alternatives de la maladie. Tout à coup, M. d'Ambreuse cracha le sang abondamment. Les princes de la science, consultés, n'avisèrent à rien de nouveau. Ses jambes enflaient et la faiblesse augmentait. Il avait témoigné plusieurs fois le désir de voir Cécile, qui était à l'autre bout de la France, avec son mari, nommé receveur depuis un mois. Il ordonna expressément qu'on la fît venir. Madame d'Ambreuse écrivit 3 lettres et les lui montra. Sans se fier même à la religieuse, elle ne le quittait pas d'une seconde, ne se couchait plus. Les personnes qui se faisaient inscrire chez le concierge s'informaient d'elle avec admiration, et les passants étaient saisis de respect devant la quantité de paille qu'il y avait dans la rue, sous les fenêtres. Le 12 février, à 5 heures, une hémoptysie effrayante se déclara. Le médecin de garde dit le danger. On courut vite chez un prêtre. Pendant la confession de M. d'Ambreuse, Madame le regardait de loin, curieusement. Après quoi, le jeune docteur posa un vésicatoire et attendit. La lumière des lampes, masquée par des meubles, éclairait la chambre inégalement. Frédéric et Madame d'Ambreuse, au pied de la couche, observaient le moribond. Dans l'embrasure d'une croisée, le prêtre et le médecin causaient à demi-voix. La bonne sœur, à genoux, marmottait des prières. Enfin, un râle s'éleva. Les mains se refroidissaient. La face commençait à pâlir. Quelquefois, il tirait tout à coup une respiration énorme. Elles devinrent de plus en plus rares. 2 ou 3 paroles confuses lui échappèrent. Il exhala un petit souffle en même temps qu'il tournait ses yeux, et la tête retomba de côté sur l'oreiller. Tous, pendant 1 minute, restèrent immobiles. Madame d'Ambreuse s'approcha, et sans effort, avec la simplicité du devoir, elle lui ferma les paupières. puis elle écarta les deux bras, en se tournant la taille comme dans le spasme d'un désespoir contenu, et sortit de l'appartement, appuyée sur le médecin et la religieuse. Un quart d'heure après, Frédéric monta dans sa chambre. On y sentait une odeur indéfinissable, émanation des choses délicates qui l'emplissaient. Au milieu du lit, une robe noire s'étalait, tranchant sur le couvre-pied rose. Madame d'Ambreuse était au coin de la cheminée, debout. Sans lui supposer de violents regrets, il la croyait un peu triste, et d'une voix dolente. « Tu souffres ?»« Moi, non, pas du tout. » Comme elle se retournait, elle aperçut la robe, l'examina, puis elle lui dit de ne pas se gêner. « Fume, si tu veux, tu es chez moi. » Et avec un grand soupir, « Ah, Sainte Vierge, quel débarras !» Frédéric fut étonné de l'exclamation. Il reprit, en lui baisant la main, « On était libres, pourtant !» Cette allusion à l'aisance de leurs amours parut blesser Madame d'Ambreuse. « Eh, tu ne sais pas les services que je lui rendais, ni dans quelles angoisses j'ai vécu. Comment ? Mais oui. Était-ce une sécurité que d'avoir toujours près de soi cette bâtarde ? Une enfant introduite dans la maison au bout de 5 ans de ménage, et qui sans moi, bien sûr, l'aurait amenée à quelques sottises ?» Alors elle expliqua ses affaires. Il s'était marié sous le régime de la séparation. Son patrimoine était de 300 000 francs. Monsieur d'Ambreuse, par leur contrat, lui avait assuré, en cas de survivance, 15 000 livres de rente avec la propriété de l'hôtel. Mais peu de temps après, il avait fait un testament où il lui donnait toute sa fortune, et elle l'évaluait, autant qu'il était possible de le savoir maintenant, à plus de 3 millions. Frédéric ouvrit de grands yeux. Ça en valait la peine, n'est-ce pas ? J'y ai contribué, du reste. C'était mon bien que je défendais. Cécile m'aurait dépouillé, injustement. Pourquoi n'est-elle pas venue voir son père ? Dit Frédéric. À cette question, Madame d'Ambreuse le considéra, puis, d'un ton sec, « Je n'en sais rien. Faute de cœur, sans doute. Oh, je la connais. Aussi, il n'aura pas de moi une obole. » Elle n'était guère gênante, du moins depuis son mariage. « Ah, son mariage !» fit en ricanant Madame d'Ambreuse. Et elle s'en voulait d'avoir trop bien traité cette pécore-là, qui était jalouse, intéressée, hypocrite. Tous les défauts de son père. Elle le dénigrait de plus en plus. Personne d'une fausseté aussi profonde, impitoyable d'ailleurs, dur comme un caillou, un mauvais homme, un mauvais homme. Il échappe des fautes, mais mot plus sage. Madame d'Ambreuse venait d'en faire une, par ce débordement de haine. Frédéric, en face d'elle, dans une bergère, réfléchissait, scandalisé. Elle se leva, se mit doucement sur ses genoux. « Toi seul es bon. Il n'y a que toi que j'aime. » En le regardant, son cœur s'amollit. Une réaction nerveuse lui amena des larmes aux paupières, et elle murmura « Veux-tu m'épouser ?» Il crut d'abord n'avoir pas compris. Cette richesse l'étourdissait. Elle répéta plus haut « Veux-tu m'épouser ?» Enfin il dit en souriant « Tu en doutes ?» Puis une pudeur le prit, et pour faire au défunt une sorte de réparation, il s'offrit à le veiller lui-même. Mais comme il avait honte de ce pieux sentiment, il ajouta d'un ton dégagé « Ce serait peut-être plus convenable. »« Oui, peut-être bien, » dit-elle, « à cause des domestiques. » On avait tiré le lit complètement hors de l'alcôve. La religieuse était aux pieds, et au chevet se tenait un prêtre, un autre, un grand homme maigre, l'air espagnol et fanatique. Sur la table de nuit couverte d'une serviette blanche, 3 flambeaux brûlaient. Frédéric prit une chaise et regarda le mort. Son visage était jaune comme de la paille. Un peu d'écume sanguinolente marquait les coins de sa bouche. Il avait un foulard autour du crâne, un gilet de tricot et un crucifix d'argent sur la poitrine, entre ses bras croisés. Elle était finie, cette existence pleine d'agitation. Combien n'avait-il pas fait de courses dans les bureaux, alignées de chiffres, tripotées d'affaires, entendues de rapports, que de boniments, de sourires, de courbettes, car il avait acclamé Napoléon, les Cosaques, Louis XVIII, 1830, les ouvriers, tous les régimes, chérissant le pouvoir d'un tel amour qui aurait payé pour se vendre. Mais il laissait le domaine de la Fortelle, 3 manufactures en Picardie, le bois de Crancé dans l'Yonne, une ferme près d'Orléans, des valeurs mobilières considérables.

Elle approuva son idée d'un voyage immédiat à Nogent. Leurs adieux furent tendres, puis, sur le seuil, elle murmura encore une fois « Tu m'aimes, n'est-ce pas ?»« Éternellement, » répondit-il. Un commissionnaire l'attendait chez lui avec un mot au crayon, le prévenant que Rosanette allait accoucher. Il avait eu tant d'occupations depuis quelques jours qu'il n'y pensait plus. Elle s'était mise dans un établissement spécial à Chaillot. Frédéric prit un fiacre et partit. Au coin de la rue de Marbeuf, il lut sur une planche en grosses lettres « Maison de santé et d'accouchement tenue par Madame Alessandri, sage-femme de première classe, ex-élève de la maternité, auteur de divers ouvrages, etc. » Puis, au milieu de la rue, sur la porte, une petite porte bâtarde, l'enseigne répétait, sans le mot accouchement, « Maison de santé de Madame Alessandri, avec tous ses titres. » Frédéric donna un coup de marteau. Une femme de chambre à tournure de soubrette l'introduisit dans le salon, orné d'une table en acajou, de fauteuils en velours grenat et d'une pendule sous globe. Presque aussitôt, Madame parut. C'était une grande brune de 40 ans, la taille mince, de beaux yeux, l'usage du monde. Elle apprit à Frédéric l'heureuse délivrance de la mère et le fit monter dans sa chambre. Rosanette se mit à sourire ineffablement. Et comme submergée sous les flots d'amour qui l'étouffaient, elle dit d'une voix basse « Un garçon, là, là », en désignant près de son lit une barcelonnette. Il écarta les rideaux et aperçut au milieu des linges quelque chose d'un rouge jaunâtre, extrêmement ridé, qui sentait mauvais et vagissait. « Embrasse-le !» Il répondit, pour cacher sa répugnance. « Mais j'ai peur de lui faire mal. Mais non, non !» Alors il baisa, du bout des lèvres, son enfant. « Comme il te ressemble !» Et de ses deux bras faibles, elle se suspendit à son cou, avec une effusion de sentiments qu'il n'avait jamais vus. Le souvenir de Madame d'Ambreuse lui revint. Il se reprocha comme une monstruosité de trahir ce pauvre être qui aimait et souffrait dans toute la franchise de sa nature. Pendant plusieurs jours, il lui tint compagnie jusqu'au soir. Elle se trouvait heureuse dans cette maison discrète. Les volets de la façade restaient même constamment fermés. Sa chambre tendue en perce-clair donnait sur un grand jardin. Madame Alessandri, dont le seul défaut était de citer comme intime les médecins illustres, l'entourait d'attention. Ses compagnes, presque toutes des demoiselles de la province, s'ennuyaient beaucoup, n'ayant personne qui vint les voir. Rosanette s'aperçut qu'on l'enviait et le dit à Frédéric avec fierté. Il fallait parler bas, cependant. Les cloisons étaient minces et tout le monde se tenait aux écoutes malgré le bruit continuel des pianos. Il allait enfin partir pour Nogent quand il reçut une lettre de Deslauriers. Deux candidats nouveaux se présentaient, l'un conservateur, l'autre rouge. Un troisième, quel qu'il fût, n'avait pas de chance. C'était la faute de Frédéric. Il avait laissé passer le bon moment. Il aurait dû venir plus tôt, se remuer. « On ne t'a même pas vu aux comices agricoles ?» L'avocat le blâmait de n'avoir aucune attache dans les journaux. « Ah, si tu avais suivi autrefois mes conseils, si nous avions une feuille publique à nous !» Il insistait là-dessus. Du reste, beaucoup de personnes qui auraient voté en sa faveur, par considération pour M. d'Ambreuse, l'abandonneraient maintenant. Deslauriers était de ceux-là. N'ayant plus rien à attendre du capitaliste, il lâchait son protégé. Frédéric porta sa lettre à Madame d'Ambreuse. « Tu n'as donc pas été à Nogent ? » dit-elle. « Pourquoi ? » ?»« C'est que j'ai vu Deslauriers il y a 3 jours. » Sachant la mort de son mari, l'avocat était venu rapporter des notes sur les houilles et lui offrir ses services comme homme d'affaires. Cela parut étrange à Frédéric. Et que faisait son ami là-bas? Madame d'Ambreuse voulut savoir l'ampleur de son temps depuis leur séparation. « J'étais malade, » répondit-il. « Tu aurais dû me prévenir au moins. » « Oh, cela n'en valait pas la peine. » D'ailleurs, il avait eu une foule de dérangements, des rendez-vous, des visites. Il mena dès lors une existence double, couchant religieusement chez la maréchale et passant l'après-midi chez Madame d'Ambreuse, si bien qu'il lui restait à peine, au milieu de la journée, 1 heure de liberté. L'enfant était à la campagne, à Andilly. On allait le voir toutes les semaines. La maison de la nourrice se trouvait sur la hauteur du village, au fond d'une petite cour, sombre comme un puits. Avec de la paille par terre, des poules çà et là, une charrette à légumes sous le hangar. Rosanette commençait par baiser frénétiquement son poupon, éprise d'une sorte de délire. Allait et venait, essayait de traire la chèvre, mangeait du gros pain,

l'argent qu'elle avait pu avoir, depuis lors ayant passé à d'autres besoins. Elle courut chez Arnoux. Il habitait le faubourg Saint-Germain et le portier ignorait la rue. Elle se transporta chez plusieurs amis, ne trouva personne et rentra désespérée. Elle ne voulait rien dire à Frédéric, tremblant que cette nouvelle histoire ne fît du tort à son mariage. Le lendemain matin, maître Athanase Gautreau se présenta, flanqué de deux acolytes, l'un blême, à figure chafouine, l'air dévoré d'envie, l'autre portant un faux col et des sous-pieds très tendus, avec un délot de taffetas noir à l'index, et tous deux, ignoblement sales, avaient des cols gras, des manches de redingote trop courtes. Leur patron, un fort bel homme, au contraire, commença par s'excuser de sa mission pénible, tout en regardant l'appartement, plein de jolies choses, ma parole d'honneur. Il ajouta, « Outre celles qu'on ne peut saisir. » Sur un geste, les deux recors disparurent. Alors, ses compliments redoublèrent. Pouvait-on croire qu'une personne aussi charmante n'eût pas d'amis sérieux? Une vente par autorité de justice était un véritable malheur. On ne s'en relève jamais. Il tâcha de l'effrayer, puis, la voyant émue, prit subitement un ton paterne. Il connaissait le monde, il avait eu affaire à toutes ces dames. Et en les nommant, il examinait les cadres sur les murs. C'étaient d'anciens tableaux du brave Arnoux, des esquisses de Sombaz, des aquarelles de Burieux, trois paysages de Dithmer. Rosanette n'en savait pas le prix, évidemment. Maître Gautreau se tourna vers elle. « Tenez, pour vous montrer que je suis un bon garçon, faisons une chose. Cédez-moi ces Dithmer-là, et je paye tout. Est-ce convenu ?» À ce moment, Frédéric, que Delphine avait instruit dans l'antichambre, et qui venait de voir les deux praticiens, entra, le chapeau sur la tête, d'un air brutal. Maître Gautreau reprit sa dignité, et comme la porte était restée ouverte, « Allons, messieurs, écrivez. Dans la seconde pièce, nous disons une table de chêne, avec ses deux rallonges, deux buffets. » Frédéric l'arrêta, demandant s'il n'y avait pas quelque moyen d'empêcher la saisie. « Oh, parfaitement. Qui a payé les meubles ?»« Moi. » « Eh bien, formulez une revendication. C'est toujours du temps que vous aurez devant vous. » Maître Gautreau acheva vivement ses écritures et, dans le même procès-verbal, assigna en référé Mademoiselle Bron, puis se retira. Frédéric ne fit pas un reproche. Il contemplait sur le tapis les traces de boue laissées par les chaussures des praticiens et se parlant à lui-même, « Il va falloir chercher de l'argent. »« Ah, mon Dieu, que je suis bête !» dit la maréchale. Elle fouilla dans un tiroir, prit une lettre et s'en alla vivement à la société d'éclairage du Languedoc afin d'obtenir le transfert de ses actions. Elle revint une heure après. Les titres étaient vendus à un autre. Le commis lui avait répondu en examinant son papier, la promesse écrite par Arnoux. « Cet acte ne vous constitue nullement propriétaire. La compagnie ne connaît pas cela. » Bref, il l'avait congédiée, elle en suffoquait. Et Frédéric devait se rendre à l'instant même chez Arnoux pour éclaircir la chose. Mais Arnoux croirait peut-être qu'il venait pour recouvrer indirectement les 15 000 francs de son hypothèque perdue. Et puis cette réclamation à un homme qui avait été l'amant de sa maîtresse lui semblait une turpitude. Choisissant un moyen terme, il alla prendre à l'hôtel d'Ambreuse l'adresse de Madame Reginbard, envoya chez elle un commissionnaire et connut ainsi le café que hantait maintenant le citoyen. C'était un petit café sur la place de la Bastille, où il se tenait toute la journée dans le coin de droite, au fond, ne bougeant pas plus que s'il avait fait partie de l'immeuble. Après avoir passé successivement par la demi-tasse, le grog, le bischoff, le vin chaud et même l'eau rougie, il était revenu à la bière, et de demi-heure en demi-heure laissait tomber ce mot « boc », ayant réduit son langage à l'indispensable. Frédéric lui demanda s'il voyait quelquefois Arnoux. « Non. Tiens, pourquoi ? Un imbécile. » La politique, peut-être, les séparait, et Frédéric crut bien faire de s'informer de Compin. « Quelle brute ! » dit Reginbard. « Comment cela ? » ?»« Sa tête de veau. » « Ah ! Apprenez-moi ce que c'est que la tête de veau. » Reginbard eut un sourire de pitié. « Des bêtises. » Frédéric, après un long silence, reprit « Il a donc changé de logement. » « Qui ? Arnoux ?»« Oui, rue de Fleurus. » « Quel numéro ? » « Est-ce que je fréquente les jésuites ?»« Comment, jésuites ?» Le citoyen répondit, furieux. « Avec l'argent d'un patriote que je lui ai fait connaître, ce cochon-là s'est établi marchand de chapelet. » « Pas possible. Allez-y voir. » « Rien de plus vrai. Arnoux, affaibli par une attaque, avait tourné à la religion. D'ailleurs, il avait toujours eu un fond de religion. » et avec l'alliage de mercantilisme et d'ingénuité qui lui était naturel, pour faire son salut et sa fortune, il s'était mis dans le commerce des objets religieux. Frédéric n'eut pas de mal à découvrir son établissement, dont l'enseigne portait aux arts gothiques, restauration du culte, ornement d'église, sculpture polychrome, encens des rois mages, etc., etc. Aux deux coins de la vitrine s'élevaient deux statues en bois, bariolées d'or, de cinabre et d'azur. Un saint Jean-Baptiste avec sa peau de mouton, et une sainte Geneviève, des roses dans son tablier, et une quenouille sous son bras. Puis, des groupes en plâtre, une bonne sœur instruisant une petite fille, une mère à genoux près d'une couchette, trois collégiens devant la sainte table. Le plus joli était une manière de chalet figurant l'intérieur de la crèche avec l'âne, le bœuf et l'enfant Jésus étalés sur de la paille, de la vraie paille. De haut en bas des étagères, on voyait des médailles à la douzaine, des chapelets de toute espèce, des bénitiers en forme de coquille et les portraits des gloires ecclésiastiques parmi lesquels brillaient Monseigneur Affre et notre Saint-Père, tous deux souriants. Arnoux, à son comptoir, sommeillait la tête basse. Il était prodigieusement vieilli, avait même autour des tempes une couronne de boutons roses, et le reflet des croix d'or frappées par le soleil tombait dessus. Frédéric, devant cette décadence, fut pris de tristesse. Par dévouement pour la maréchale, il se résigna cependant, et il s'avançait. Au fond de la boutique, Madame Arnoux parut, alors il tourna les talons. « Je ne l'ai pas trouvé, » dit-il en rentrant. Et il eut beau reprendre qu'il allait écrire, tout de suite, à son notaire du Havre, pour avoir de l'argent, Rosanette s'emporta. On n'avait jamais vu un homme si faible, si mollasse. Pendant qu'elle endurait mille privations, les autres se gobergeaient. Frédéric songeait à la pauvre Madame Arnoux, se figurant la médiocrité navrante de son intérieur. Il s'était mis au secrétaire, et comme la voix aigre de Rosanette continuait, « Ah, au nom du ciel, tais-toi. Vas-tu les défendre par hasard ? Eh bien oui ! » s'écria-t-il, « car d'où vient cet acharnement ? Mais toi, pourquoi ne veux-tu pas qu'il paye ? C'est dans la peur d'affliger ton ancienne, avoue-le. » Il eut envie de l'assommer avec la pendule. Les paroles lui manquèrent. Il se tut. Rosanette, tout en marchant dans la chambre, ajouta « Je vais lui flanquer un procès à ton Arnoux. Oh, je n'ai pas besoin de toi. » Et pinçant les lèvres, « Je consulterai. » Trois jours après, Delphine entra brusquement. « Madame, madame, il y a un homme avec un pot de colle qui me fait peur. » Rosanette passa dans la cuisine et vit un chenapan, la face criblée de petites véroles, paralytique d'un bras, aux trois quarts ivre et bredouillant. C'était l'afficheur de Maître Gautreau. L'opposition à la saisie ayant été repoussée, la vente, naturellement, s'ensuivait. Pour sa peine d'avoir monté l'escalier, il réclama d'abord un petit verre. Puis, il implora une autre faveur, à savoir des billets de spectacle, croyant que Madame était une actrice. Il fut ensuite plusieurs minutes à faire des clignements d'yeux incompréhensibles. Enfin, il déclara que, moyennant 40 sous, il déchirerait les coins de l'affiche déjà posée en bas contre la porte. Rosanette s'y trouvait désignée par son nom, rigueur exceptionnelle qui marquait toute la haine de la Vatnaze. Elle avait été sensible autrefois et même, dans une peine de cœur, avait écrit à Béranger pour en obtenir un conseil. Mais elle s'était aigrie sous les bourrasques de l'existence, ayant, tour à tour, donné des leçons de piano, présidé une table d'hôte, collaboré à des journaux de mode, sous-loué des appartements, fait le trafic des dentelles dans le monde des femmes légères, où ses relations lui permirent d'obliger beaucoup de personnes, Arnoux entre autres. Elle avait travaillé auparavant dans une maison de commerce. Elle y soldait les ouvrières. Il y avait pour chacune d'elles 2 livres, dont l'un restait toujours entre ses mains. Dussardier, qui tenait par obligeance celui d'une nommée Hortense Balin, se présenta un jour à la caisse au moment où Mademoiselle Vatnaz apportait le compte de cette fille, 1682 francs, que le caissier lui paya. Or, la veille même, Dussardier n'en avait inscrit que 1082 sur le livre de la Balin. Il le redemanda sous un prétexte, puis, voulant ensevelir cette histoire de vol, lui conta qu'il l'avait perdue. L'ouvrière redit naïvement son mensonge à Mademoiselle Vatnaz. Celle-ci, pour n'avoir le cœur net, d'un air indifférent, vint en parler au brave commis. Il se contenta de répondre « Je l'ai brûlé ». Ce fut tout. Elle quitta la maison peu de temps après, sans croire à l'anéantissement du livre et s'imaginant que Dussardier le gardait. À la nouvelle de sa blessure, elle était accourue chez lui dans l'intention de le reprendre. Puis, n'ayant rien découvert, malgré les perquisitions les plus fines, elle avait été saisie de respect et bientôt d'amour pour ce garçon si loyal, si doux, si héroïque et si fort.

puis qu'il avait déclaré comme dette collective des dettes personnelles, enfin qu'il avait diverti plusieurs effets de la société. Tout cela le rend coupable de banqueroute frauduleuse, articles 586 et 587 du Code de commerce. Et nous l'emballerons, soyez-en sûrs, ma mignonne. Rosanette lui sauta au cou. Il la recommanda le lendemain à son ancien patron, ne pouvant s'occuper lui-même du procès, car il avait besoin à nos gens. Sénéca lui écrirait en cas d'urgence. Ses négociations pour l'achat d'une étude étaient un prétexte. Il passait son temps chez M. Rock, où il avait commencé non seulement par faire l'éloge de leur ami, mais par l'imiter d'allure et de langage autant que possible, ce qui lui avait obtenu la confiance de Louise, tandis qu'il gagnait celle de son père en se déchaînant contre le Dru Rollin. Si Frédéric ne revenait pas, c'est qu'il fréquentait le grand monde. Et peu à peu, Des Lauriers leur apprit qu'il aimait quelqu'un, qu'il avait un enfant, qu'il entretenait une créature. Le désespoir de Louise fut immense. L'indignation de Madame Moreau non moins forte. Elle voyait son fils tourbillonnant vers le fond d'engouffres vagues, était blessée dans sa religion des convenances, et en éprouvait comme un déshonneur personnel, quand tout à coup sa physionomie changea. Aux questions qu'on lui faisait sur Frédéric, elle répondait d'un air narquois. « Il va bien, très bien. » Elle savait son mariage avec Madame d'Ambreuse. L'époque en était fixée, et même il cherchait comment faire avaler la chose à Rosanette. Vers le milieu de l'automne, elle gagna son procès relatif aux actions du Kaolin. Frédéric la prit en rencontrant à sa porte sénécale qui sortait de l'audience. On avait reconnu M. Arnaud complice de toutes les fraudes, et l'ex-répétiteur avait un tel air de s'en réjouir que Frédéric l'empêcha d'aller plus loin, en assurant qu'il se chargeait de sa commission près de Rosanette. Il entra chez elle, la figure irritée. « Eh bien, te voilà contente ?» Mais sans remarquer ses paroles, « Regarde donc !» Et elle lui montra son enfant couché dans un berceau près du feu. Elle l'avait trouvé si mal le matin chez sa nourrice qu'elle l'avait ramené à Paris. Tous ses membres étaient amaigris extraordinairement, et ses lèvres, couvertes de points blancs, lui faisaient dans l'intérieur de sa bouche comme des caillots de lait. Qu'a dit le médecin ? Ah, le médecin ! Il prétend que le voyage a augmenté son... je ne sais plus, un nom en ite. Enfin, qu'il a le muguet. Connais-tu cela ? Frédéric n'hésita pas à répondre, certainement, ajoutant que ce n'était rien. Mais dans la soirée, il fut effrayé par l'aspect débile de l'enfant et le progrès de ses taches blanchâtres, pareil à de la moisissure, comme si la vie, abandonnant déjà ce pauvre petit corps, n'eût laissé qu'une matière où la végétation poussait. Ses mains étaient froides, il ne pouvait plus boire maintenant, et la nourrice, une autre que le portier avait été prendre au hasard dans un bureau, répétait « Il me paraît bien bas, bien bas. » Rosanette fut debout toute la nuit. Le matin, elle alla trouver Frédéric. « Viens donc boire. Il ne remue plus. » En effet, il était mort. Elle le prit, le secoua, l'étreignait en l'appelant des noms les plus doux, le couvrait de baisers et de sanglots, tournait sur elle-même éperdue, s'arrachait les cheveux, poussait des cris, et se laissa tomber au bord du divan, où elle restait la bouche ouverte, avec un flot de larmes tombant de ses yeux fixes. Puis une torpeur la gagna, et tout devint tranquille dans l'appartement. Les meubles étaient renversés, deux ou trois serviettes traînaient, 6 heures sonnèrent, la veilleuse s'éteignit. Frédéric, en regardant tout cela, croyait presque rêver. Son cœur se serrait d'angoisse. Il lui semblait que cette mort n'était qu'un commencement, et qu'il y avait par derrière un malheur plus considérable près de survenir. Tout à coup, Rosanette dit d'une voix tendre « Nous le conserverons, n'est-ce pas ?» Elle désirait le faire embaumer. Bien des raisons s'y opposaient. La meilleure, selon Frédéric, c'est que la chose était impraticable sur des enfants si jeunes. Un portrait valait mieux. Elle adopta cette idée. Il écrivit un mot à Pellerin, et Delphine courut le porter. Pellerin arriva promptement, voulant effacer par ce zèle tout souvenir de sa conduite. Il dit d'abord « Pauvre petit ange, ah, mon Dieu, quel malheur !» Mais peu à peu, l'artiste en lui l'emportant, il déclara qu'on ne pouvait rien faire avec ses yeux bistrés, cette face livide, que c'était une véritable nature morte, qu'il faudrait beaucoup de talent, et il murmurait « Oh, pas commode, pas commode !»